La paire. Ce qui compte pour être bien chez soi, ce n'est pas le temps qu'on y passe, ni les questions qu'on se pose, mais plutôt à qui on fait appel. Ce qui compte, c'est d'être bien chez soi. Et pour ça, vous pouvez compter sur nous. Conseil à domicile, conseil en magasin, atelier, livraison, pause, on vous accompagne dans tous vos projets. La paire, la qualité réservée à tous. Conditions sur lapaire.fr. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le cours de l'histoire. Agricultrice, artisane, employée de maison ou encore ouvrière, nombreuses cumulent les emplois et travaillent à la maison. Une histoire du travail à domicile, mais quelle place laisser pour la femme dans l'histoire du travail à domicile avec ce statut très discutable, celui de femme au foyer. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. De 1840 à 1842, l'éditeur Léon Kermer publie plusieurs volumes d'une encyclopédie morale du 19e siècle, ça c'est le sous-titre, parce que le titre est « Les Français » peint par eux-mêmes. Il propose un large panorama de la société française. Le médecin du village, le directeur d'un théâtre de province, le contrebandier, l'aubergiste, le bourguignon, la grisette, il y en a plein. Il y a un chapitre consacré à l'ouvrier de Paris, un chapitre dans lequel il est aussi question de la femme de l'ouvrier. Voilà ce qu'on y lit. La jeune femme au foyer de l'ouvrier est une pensée de poésie, d'amour, de religion qui vient illuminer sa vie. Elle est ici l'encouragement, l'éclair d'inspiration qu'attendait quelques génies inconnus pour faire éclore l'invention qui doit immortaliser un nom dans les fastes de l'industrie. Elle est, pour celui-là, l'enseignement, la douceur, la joie, la patience qui lui manquait. Elle est, presque pour tous, le bon sens sans lequel l'imagination n'est qu'une maladie. Elle est la résignation sans laquelle la souffrance et le désespoir, l'ordre sans lequel il n'y a pas de présent, l'économie sans laquelle il n'y a point d'avenir. Oui, ce que ne rajoute pas ce panorama de la vie de l'ouvrier à Paris, c'est qu'elle est aussi celle qui fait la cuisine, qui s'occupe des enfants, de la lessive. Elle est la femme au foyer. Mais quel est ce foyer? Le foyer, évidemment, étymologiquement, c'est le feu. Ainsi, au moment du couvre-feu, c'est la femme qui prend la main. Toute la semaine dans le cours de l'histoire sur France Culture, une histoire du travail à domicile. Oui, les aristocrates travaillent à domicile, les moines travaillent à domicile, les paysans également, quand ils ne sont pas dans les champs, travaillent à domicile. Des émissions à réécouter et podcaster en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, ou bien sur l'application Radio France. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à celles qui travaillent dur, mais dont le travail est invisible, celles que l'on nomme, et j'utilise des guillemets, les femmes au foyer. Avec nous aujourd'hui, Manuela Martini, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure d'histoire contemporaine à l'Université Lyon 2, spécialiste alors de la rémunération, c'est essentiel, de la conception du travail, des migrations aussi. Quand nous évoquons le travail des femmes, nous sentons que nous sommes en vérité dans une histoire générale du travail, sauf que les femmes ont été souvent écartées de cette histoire-là. Manuela Martini, peut-on dire que, si nous cherchons des continuités, il y en a une qui est une évidence? Les femmes se sont occupées des tâches ménagères, cela à travers les siècles. Il y a une spécialisation imposée où la femme s'occupe des enfants, du ménage et de la cuisine. Tout à fait. Dans différents contextes historiques, on trouve cette constante, c'est-à-dire les femmes s'occupent d'élever leurs enfants, de s'occuper du logis, de faire la cuisine, donc d'assurer en fait donc cette tâche de reproduction dont on parle évidemment. Il ne s'agit pas d'une tâche identique dans toutes les époques. Donc, ce n'est pas statique ce rôle, comme on peut l'imaginer, comme on peut le lire dans certains traités qui assigneraient justement à la nature féminine cette tâche et qui semble immuable. Donc, il y a eu des changements. Au XVIIIe siècle, évidemment, ça signifiait certaines choses. Par exemple, l'hygiène du logis n'était pas du tout le même qu'au XIXe, où les hygiénistes ont introduit des normes qui ont été respectées par certaines des femmes au foyer dont vous avez parlé. Donc, c'est un monde, si vous voulez, le monde de l'intérieur domestique qui, évidemment, a évolué et pour lesquels, donc, on a évidemment des figures féminines mais pas seulement, parce qu'il y a aussi des servants hommes qui travaillent dans ces espaces-là et qui sont souvent, justement, vous l'avez montré, hein, sous disons, la gestion de femmes, par ailleurs, et qui, donc, s'occupent de l'ensemble des activités qui peuvent être assez complexes, des gestions d'un ménage et d'une famille plus largement, donc avec aussi des tâches qui ont trait à la gestion, notamment lorsqu'on doit acheter des produits pour justement assurer la bonne marche d'un ménage. Donc on a aussi des tâches qui relèvent de la sphère plutôt de l'administration, et c'est l'une des caractéristiques du travail des femmes, en fait, au foyer, que de s'occuper aussi de la gestion économique, je dirais, de toutes les dépenses du ménage et de la famille en général. Une autre constante, Manuela Martini, à côté de cette idée que les femmes s'occupent de tout ce qui est tâche à la maison, vous nous l'avez bien dit, avec une évolution. Les hommes ont pu, par le passé, contribuer à ces tâches, mais les femmes ont toujours été chargées de ça. L'autre constante, c'est de dire que ce travail n'est pas rémunéré. Et ça, c'est aussi important. Donc là, vous me le confirmez, on peut dire que ce travail domestique n'est pas un travail rémunéré, quel que soit le moment où nous nous plaçons. Tout à fait. Alors, l'une des caractéristiques justement de ce travail, c'est que il est considéré comme faisant partie des tâches, des obligations même des femmes, en particulier des femmes mariées, qui du coup ont dans ces contextes été exclues en fait du marché formel du travail. C'est-à-dire que toutes les tâches qui entraient à la sphère domestique à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, donc sont évancée de la sphère du travail, qui est de plus en plus définie comme un travail justement productif qui est accompagné d'une rémunération en général monétaire, pas seulement, mais en général monétaire. Donc tout ce qui est qui a trait à ce qu'on appelle l'économie marxiste, la sphère reproductive, donc est exclu de cette sphère du travail considérée du coup aussi plus tard, hein, dans les recensements l'administration commence à mettre en place de la population au 19e siècle. Donc toutes les femmes qui travaillent dans la sphère domestique, y compris dans des activités qui sont rémunérées pour les marchés, pensées pour les marchés, c'est-à-dire l'artisanat, des femmes contribuent au travail artisanal dans les ateliers domestiques de leur mari, les tisseurs, etc., a souvent une épouse qui est tisseuse elle-même, qui n'est pas rémunérée, à la différence des compagnons et des compagnonnes, par exemple, qui, elles, travaillent dans la même sphère domestique et eux, et sont rémunérés. Justement, Manuela Martini, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment « Bâtiments en famille, migration et petites entreprises en banlieue parisienne au XXe siècle », publié au CNRS Édition, et puis d'un ouvrage collectif, hein, vous êtes une des directrices de cet ouvrage, intitulé « What is work ?» Qu'est-ce que le travail ? Et c'est peut-être aussi là la question première, qu'est-ce que le travail ? Vous l'avez évoqué, Manuela Martini, en nous disant lors des sondages, des recensements, des enquêtes, il faut noter si cette personne travaille ou pas. Et vous avez vu une évolution. Il y a une évolution entre la femme qui est considérée comme sans profession, femme qui travaille, et puis femme au foyer. Alors, il faut aussi, lorsqu'on parle des recensements, bien partir de ce principe que les femmes au foyer ont toujours été sans profession. C'est-à-dire que, y compris maintenant. C'est-à-dire que maintenant, vous avez, par exemple, en 1999, le dernier recensement de la population française, 2 millions, plus de 2 millions en fait, de femmes considérées inactives, sans profession, parce que effectivement, sont des femmes au foyer, ce sont les femmes qui sont en ménage et qui ont moins de 55 ans. Les chômeurs sont considérés, vous savez, font partie de la population active. Alors ces femmes qui sont donc un âge de productif, on va dire, sont sans profession, donc inactives, même si on sait évidemment que qu'elles travaillent à la maison pour élever leurs enfants, etc. Donc vous avez là donc une classification qui est de très longue durée d'inactivité liée à un rôle qui est donc celui des femmes au foyer. Donc c'est un point vraiment, je pense, que important, qui nous fait comprendre justement tous les travaux qu'ont dû faire les féministes de partir des années 70 pour, au contraire, faire réintroduire quelque part, donner une valeur en fait à ce travail donc des femmes qui est de plus en plus, pour les économistes féministes, une valeur qu'il faut quantifier. Parce que, en plus, on est dans une société où la tertiarisation nous permet, en fait, grandissante, nous permet d'évaluer ces tâches sur la base, évidemment, des rémunérations que d'autres personnes peuvent recevoir pour exécuter les mêmes tâches que les femmes au foyer font habituellement. Si nous voulons regarder une évolution du regard porté sur ce travail domestique, Manuela Martinez, est-ce que vous diriez qu'il y a une volonté d'invisibiliser ce travail, au sens où le travail domestique peut être rémunéré, considéré comme tel, quand ce sont des domestiques qui l'occupent? Il y a des gens, des employés de maison, et ils sont payés pour faire la vaisselle, payés pour faire le linge, il y a les lingères, il y a du monde. Donc il y a bien la conscience que ce travail existe. Et pourtant, sans doute dans le même temps où les domestiques disparaissent peu à peu, il y a comme la volonté d'invisibiliser ce travail. C'est un mouvement qui s'étend du XVIIIe siècle, j'ai envie de dire jusqu'à nos jours. Oui, en fait, c'est toute tous les débats, toute la question est de savoir quel est les travail qu'on fait par obligation, je dirais, lié en fait au fait de faire partie d'une famille. Donc, il y a un travail qu'on ne considérait pas, que les juristes, les théologiens et aussi tout simplement des hommes politiques ont considéré comme relevant de la sphère morale, justement, vous l'avez bien souligné au départ. Et donc, c'est un travail qui est un don, qui est fait pour amour, pour une question qui a trait donc aux sentiments, aux obligations qu'on a parce qu'on fait partie d'une famille. Voilà, on fait partie d'une famille et dès lors, il est nécessaire de mettre en place les conditions qui vont permettre à l'homme, bien entendu, d'aller travailler à l'extérieur et de revenir à la maison et d'être détendu pour le lendemain repartir travailler. Je vous propose une archive telle que savaient les faire les actualités françaises. C'est comment était perçue la femme au foyer dans les années 1950. 1950 à travers le portrait de la femme type, qu'évidemment, cette femme type, on l'a appelée Madame Dupont. Qui êtes-vous, Madame Dupont? Vous parmi les 21 400 000 Madame Dupont. Qui je suis? Une bonne française moyenne. Madame Dupont se marie en moyenne à 24 ans. Elle a environ 15% de chances de divorcer au bout de 3 ans. 76% de Madame Dupont apportent au lit le petit déjeuner de leur mari. 35% brossent soigneusement les vêtements de leur mari. Et 40% les brossent à fond, dans les moindres recoins. Peut-être. Mais Madame Dupont consacre au moins 65 heures par mois au nettoyage de son appartement. Mais elle passe 25 heures par an à vernir ses ongles et 26 heures pour les faire sécher. Eh bien voilà, Madame Dupont n'arrête pas de travailler en réalité, mais nous sentons bien que tout est mélangé dans cette archive des années 1950. La française moyenne, comme on disait alors, la française type, Madame Dupont, passe son temps à des activités qui sont... nettoyer l'appartement, ok, mais se faire les ongles aussi. Tout est mis sur le même plan. Donc, en fait, il y a un effacement complet de ce que signifie le travail. Il y a cette volonté de mettre la femme au foyer. Nous cherchons l'origine de cette expression, au sens où toutes ces activités qui sont faites à domicile ne sont pas considérées du travail, et même le loisir est mis sur le plan du ménage ou du repassage. Tout à fait. Alors, il faut remonter peut-être encore un peu plus loin au XVIIIe siècle de nouveau pour comprendre cette séparation qui s'est opérée entre la sphère publique où l'homme, justement, comme vous l'avez dit, travaille à une activité politique, donc dans un espace qui est en dehors du domicile, et l'autre sphère, celle privée où la femme, justement, a son rôle. Et ce sont les théoriciens du libéralisme et de la démocratie, il faut citer John Locke peut-être, et aussi Jean-Jacques Rousseau, pour revenir un peu à cette idée d'une distinction entre donc cette sphère publique fondée sur la notion des contrats sociaux et la sphère privée domestique dans laquelle les relations sont fondées sur l'existence d'un rapport naturel de subordination. En fait, c'est là aussi la clé hein, de tout cela, de subordination entre les hommes et les femmes. Donc, et là, en fait, évidemment, dans cette séparation qu'on voit donc dans les traités de théologie ou aussi dans la littérature, on voit émerger justement cet espace qui a été aussi étudié hein, par les femmes historiennes qui sont occupées des relations au 18e, 19e siècle et ont en fait montré que il y a eu beaucoup plus en fait d'interactions entre sphères publiques et privées, parce que dans les salons par exemple, évidemment, on fait aussi de la politique, même si c'est la sphère des femmes, donc la sphère privée qui est un jeu, mais dans ces longues en fait 19e siècle, cette question de la séparation des sphères, même s'il a été un peu mise en discussion, demeure en fait le modèle. Et qui est un modèle en fait qui a évidemment évolué aussi. Hein. Et on voit par exemple justement que à côté de ce modèle de donc qui concerne surtout la bourgeoisie, la haute bourgeoisie, des séparations des sphères, il y a aussi le monde des syndicats par exemple. Donc le monde en fait de l'organisation du travail telle qu'elle est pensée par les syndicalistes, mais aussi les hommes politiques libéraux et plutôt donc de gauche, qui épousent l'idée d'un modèle centré sur l'homme gagne-pain, sur les male breadwinners, et qui correspond exactement à ces principes, c'est-à-dire qu'il faut avoir un salaire pour les hommes qui leur permettent en fait de garantir la survie d'un ménage. Donc en fait, la séparation des sphères s'est traduite dans ces contextes donc aussi d'industrialisation et donc où on a évidemment un monde qui change aussi en termes de classe sociale. S'est traduit pour certains représentants du monde ouvrier par donc la mise en place de nouveau d'une hiérarchie qui est justement lié à ce modèle qui est un peu ancien, mais qui entre-temps donc a trouvé dans le monde industriel aussi une manière pour s'affirmer. Manuela Martini, je suis ravi que nous fassions cet arrêt au XVIIIe siècle, au moment où se séparent dans le monde bourgeois les sphères publiques, les sphères privées, parce qu'il faut rappeler qu'au XVIIIe siècle et encore après, les femmes travaillent, elles travaillent énormément. À la ferme, les femmes ne sont pas cantonnées à rester devant la cuisinière. Il y a dans la France du XVIIIe siècle, mais encore après, dans le monde des campagnes, un vrai travail féminin hors de chez elles. Cette différenciation sphère privée, sphère publique, se met en place au moment de l'industrialisation, qui fait naître ce concept de femme au foyer. Nous voyons bien que c'est ce mélange de distanciation privée, public et industrialisation qui met en place l'idée que la femme doit rester chez elle. Oui, la femme doit rester chez elle parce que, en fait, si elle sort de cette sphère, et on la voit de plus en plus sortir parce que elle travaillait avant, mais dans des ateliers de petite taille, elle travaillait dans les champs, mais elle ne travaillait pas forcément dans des grandes usines où on la voit mélangée à des hommes. C'est-à-dire que cette idée de la promiscuité engendre beaucoup de craintes, d'où évidemment, vous connaissez sans doute cette expression, enfin, cette phrase ouvrier mot impie et sordide de Michelet, repris par Jules Simon, un philosophe, professeur de philosophie à la Sorbonne, homme politique, etc., très important pour la Troisième République. Donc il y a cette idée que les mondes ouvriers est un danger pour les femmes qui seraient donc dans une situation qui mettrait en danger leur moralité, ce qui était tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'en effet, sortir de la maison impliquait avoir une rémunération, impliquait aussi avoir une liberté de mouvement qui, évidemment, permettait aux femmes des nouvelles formes de relations qui étaient celles qui faisaient peur, qui donc les mettaient donc dans une position donc des dangers d'un point de vue moral. Voilà, donc la femme reste à la maison pour ne pas qu'elle soit tentée dans ce monde ouvrier. Surtout la nuit, il se passe des choses absolument incroyables. Donc la femme doit rester chez elle. Mais il n'y a pas que ça, Manuela Martini. Je pense, dans l'idée que la femme doit rester chez elle, c'est qu'il y a une conception, vous l'avez évoquée, hein, de ce mâle dominant qui doit ramener le pain à la maison. Mais pour qu'il soit bien à la maison, il faut que tout soit préparé par sa femme qui est là. Alors donc c'est vraiment l'idée qui traverse un imaginaire collectif de la soupe est prête quand on rentre, quoi. Absolument. Et ça, c'est un point très important. Vous avez fait bien de le souligner parce que il y a en fait un paradoxe, c'est-à-dire qu'au moment où s'affirme la rationalisation du travail, donc tous les systèmes qui consistent à organiser scientifiquement le travail, se mettent aussi en place toute une idéologie donc qui est portée par les ingénieurs, qui est soutenue fortement aussi par les industriels, qui donc en fait considère que même en dehors de l'espace de l'usine, du travail, en dehors de la sphère domestique, il y a une place qui est importante, qui est celle justement du bien-être de l'ouvrier, qui est garantie par cette femme au foyer qui justement permet d'avoir comme à l'usine donc une maison propre et évidemment la soupe prête. Et donc c'est cette combinaison en fait des les sphères en fait forment un système, les sphères séparées de ce point de vue-là. Et donc c'est intéressant parce que les ingénieurs s'attellent aussi à étudier comment faire en sorte que les logis soient gérés de manière tout à fait semblable à l'usine, avec les mêmes normes de rationalité. C'est là où, dans l'entre-deux-guerres, en particulier aux États-Unis, mais on commence à en discuter aussi en Europe, donc se met en place aussi cette idée que dans la maison, on doit y avoir certains électroménagers qui permettent aussi justement une efficacité dans l'exécution de certaines tâches qui, évidemment, après la Deuxième Guerre mondiale, donc là, on revient aux années 50, s'affirme véritablement en termes aussi d'organisation du ménage. Donc, et là, il y a une convergence. Donc, les féministes, les syndicalistes, les industriels se retrouvent pour des raisons complètement différentes, comme vous pouvez évidemment l'imaginer. Mais d'accord, donc il y a un consensus sur cette aussi nécessité de rendre le foyer donc un lieu donc propre, bien organisé, plein d'électroménagers qui permettent de dégager un peu de loisir aussi pour les femmes, mais qui doit être aussi employé pour en s'occuper mieux des enfants, qui du coup occupent une place plus importante, etc., etc. Donc oui, dans le travail de la femme chez elle, Manuela Martini, vous identifiez bien ce qui est le travail, on va dire domestique, tout simplement, le ménage, le linge, et puis la nourriture, et puis après tout ce qui est le care, pour utiliser un mot anglais, c'est-à-dire s'occuper des enfants. Mais il n'y a pas que ça. Et à côté du discours un peu idéal ou idéalisé de la femme qui entretient son foyer pour permettre à l'homme qui rentre du travail d'être heureux et de ne pas aller au bar, il y a un autre regard porté par les écrivains, notamment les écrivains naturalistes. C'est le cas de Zola dans Germinal, qui porte un regard, lui, alors différent parce qu'il regarde par le bas comment ces femmes s'occupent du foyer. Je vous propose un extrait du film Germinal de Claude Berry. C'était en 1993 où la Maheude, et oui, la Maheude jouée par Miu Miu, explique qu'elle n'a plus un sou. J'ai plus un sou. Déjà ? On est le 23 du mois, on est 10 à manger. Et Maigrat ? Je lui dois 60 francs. Hier, il m'a mise à la porte. Et le cochon ? J'ai plus de café, j'ai plus rien. Je crois qu'il me reste 2 sous. Garde-les pour boire une chope. En 6 jours, c'est la paye. Qu'est-ce que tu veux ? C'est comme ça. Arrange-toi pour la soupe, ça sert à rien d'en parler. Au mieux que j'aille au travail. Allez, assois. Éteins la lampe. J'ai pas besoin de voir la couleur de mes idées. Je n'ai pas besoin de voir la couleur de mes idées. Éteins la lampe, c'est ce que dit la Maheude, jouée par Miu Miu, un ton Germinal de Claude Berry. Nous l'entendons, hein, arrange-toi pour la soupe. Manuela Martini, il y a cette volonté de laisser aux femmes la charge du foyer, avec toute une conception qui rentre dans un système économique plus global, de manière à laisser le travailleur tranquille, il n'a qu'à se consacrer à son travail. Pourtant, dans cette conception-là, n'entre pas en ligne de compte ce travail. C'est-à-dire que jamais il n'y a l'idée que l'on va rémunérer cette femme pour ce travail qui pourtant est nécessaire dans la conception globale de la production. Oui, non seulement on ne prend pas en compte en termes monétaires ces travail, mais il y a aussi une autre dimension qui est celle qui n'apparaît pas ici, mais cette idée du débrouille-toi implique aussi que les femmes qui pourtant sont au foyer, qui s'occupent de leurs enfants après le deuxième enfant, ce n'est plus intéressant en fait pour les femmes du milieu populaire de confier leurs enfants, donc elles arrêtent de travailler, même si elles avaient travaillé avant le mariage, mais elles continuent en fait aussi de donner des apports à ces ménages, aux revenus de ces ménages dont on parle très peu. Parce qu'effectivement, il y a peu de sources pour l'évaluer en termes quantitatifs, mais c'est toujours un apport important. Il faut bien comprendre, que lorsqu'on a commencé à étudier les budgets ouvriers, à partir du milieu du 19e siècle, il y a des études qui ont fait des monographies donc de familles ouvrières et qui ont montré toujours qu'il y a une contribution non seulement donc en termes de journées qu'on peut consacrer au travail domestique, des soins, etc., mais il y a aussi des apports qui sont liés à du travail qu'on fait à domicile, mais pour assurer que c'est 10, 20, 30% des revenus d'un ménage qui du coup dépend en fait les mythes du travail de l'homme qui garantirait les revenus de la famille est remis en discussion justement par ces constats de l'apport assez significatif dans les milieux populaires des femmes à travers toutes sortes de confections, par exemple des vêtements, mais aussi la blanchisserie pour des familles bourgeoises, bref, plein de tâches qui sont rémunérées et qui contribuent au revenu familial. Oui, parce que il y a cette image de la femme au foyer qui se lève le matin, qui peut accompagner les enfants à l'école et puis après qui fait à manger, elle fait ses courses, elle fait à manger. C'est un peu ce dont se moque Claude Nougaro, parce que la chanson est magnifique, hein, les mains d'une femme dans la farine, mais en réalité il y a toute une lecture différente où il réduit tout ce travail aux mains d'une femme dans la farine. Oui, mais là c'est tout pardonné parce que c'est pour magnifier l'amour. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Mieux encore que dans la chambre, je t'aime dans la cuisine. Rien n'est plus beau que les mains d'une femme dans la farine. Quand tu fais la tarte aux pommes poupées, tu es divine. Rien n'est plus beau que les mains d'une femme dans la farine, oui. Allez, roule-moi la pâte, ça me plaît, ça m'émeut. Quand je vois voltiger les mains blanches de mon cordon bleu, mieux encore que dans la chambre, je t'aime dans la cuisine. Rien n'est plus beau que les mains d'une femme dans la farine. Est-ce pour ta tarte ou ta pomme que je me lèche les babines? Rien n'est meilleur que les mains d'une femme dans la farine. Si ce n'est mes propres mains posées sur ta poitrine, rien n'est plus doux que les mains d'une femme dans la farine. Oh, c'est pas de la tarte, la pâtisserie, non, c'est pas du tout cuit. Faut lever la pâte et cela exige beaucoup d'énergie. À te voir ainsi, je retrouve mon âme enfantine. Rien n'est plus pur que les mains d'une femme dans la farine. C'est comme si tu étais ma mère en même temps que ma gamine. Rien n'est plus beau que les mains d'une femme dans la farine. Oh, oh non! Rien n'est plus beau que les mains d'une femme dans la farine. Claude Nougaro, les mains d'une femme dans la farine, et les mains d'une femme aussi dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Éric L'Ancien, avec aujourd'hui à la technique Olivier Arnay. Aujourd'hui, nous nous intéressons au travail à domicile des femmes, les femmes au foyer, mais comment s'est imposé ce concept avec nous, Manuela Martini. Manuela Martini, vous nous avez bien dit que dans ce travail des femmes à domicile, il y a tout ce qui concerne les tâches ménagères, il y a tout ce qui concerne le soin apporté aux enfants, au mari aussi, il ne faut pas l'oublier, parce que seraient ces maris sans leur femme à côté d'eux. Et puis, il y a tout ce qui est travail de fabrication. Et cet aspect-là est essentiel parce que c'est ce revenu complémentaire qui permet à la famille de vivre, et à cela s'associe l'économie. La femme tient aussi les comptes. Il y a l'argent que l'on gagne, puis il y a l'argent qu'on ne dépense pas. Économiser du charbon, économiser sur les courses, c'est aussi une forme de revenu au sens où l'on assure un certain niveau de vie. Tout à fait. Et ça, c'est un point qui est souligné par les premiers proto-sociologues de la famille. Frédéric Leplay, c'est l'un de ceux qui a commencé justement à prendre en compte aussi cet apport qui est lié à la bonne gestion de l'argent que le mari, pour partie, donne aux femmes. Donc il y a une partie qui part, comme il l'a dit, vers des bistrots, et des buvettes, etc. Mais il y a une partie qui est effectivement confiée aux femmes très souvent pour donc les frais de ces ménages qui du coup sont gérés avec des méthodes plus ou moins formelles selon les couches sociales, c'est-à-dire que vous avez des femmes de classe moyenne, de la bourgeoisie et de la haute bourgeoisie, qui ont vraiment des carnets, des cahiers, des comptes. Donc il y a toute une dimension aussi liée à l'administration qui est aussi très intéressante, formalisée dans des disciplines qui sont celles de, donc de la, ce qu'on appelle l'économie domestique, donc la home economics dans le monde anglo-saxon. Hein. C'est donc l'idée qu'il y a aussi une forme d'apprentissage de ces tâches qui peut être enseignée dans des écoles, qui est enseigné aussi d'ailleurs dans les écoles publiques et qui donc a trait à toute cette dimension de la gestion qui comprend plus tard, au 19e siècle aussi, toute la dimension de l'administration aussi des impôts, de la correspondance avec donc les administrations publiques. Et donc, vous avez là tout un monde, en fait, assez sophistiqué au fond de la gestion qui aussi contribue à affirmer de nouveau cette idée de la séparation des sphères, parce que évidemment, on peut avoir des femmes très expertes dans certains domaines, mais qui donc continuent d'être considérées comme moins aptes à faire des travaux dans la sphère donc du travail formel public, donc qui peuvent être des travaux équivalents en termes de tâches effectives. Donc d'un point de vue substantiel, vous avez le même type de tâches, mais qui sont exécutées par des hommes dans le bureau, notamment où les femmes sont systématiquement des secrétaires quand elles sont célibataires. Parce que quand elle se marie, justement, elle quitte en général ces lieux hein, de l'emploi qui se développe, de tertiaire, qui se développe à la fin du 19e, début du 20e. Vous avez vraiment cette couche d'employés, etc., qui est pour partie féminine, hein, une couche composée par des employés, mais qui, du coup, soit mariée, donc sortent et pour faire exécuter parfois d'autres tâches assez intéressantes dans les ménages, notamment d'artisans. Elles continuent, les épouses, à avoir un rôle, par exemple, de gestion de la comptabilité, des relations avec les fournisseurs, non rémunérées, parce qu'en fait, elles donnent un coup de main au mari. Et là, il y a de nouveau, revient cette dichotomie donc entre travail rémunéré et non rémunéré, qui est non rémunéré, non seulement lorsque ces femmes sont en général au domicile, lorsqu'elles s'occupent du ménage, mais il est non rémunéré également lorsqu'elles s'occupent des affaires de l'entreprise familiale. Manuela Martini, bien justement, je vais vous faire écouter une archive, elle est intitulée « Couturière à domicile dans les pays des Cathares ». Alors là, nous allons donc dans le sud de la France, nous sommes en janvier 1974, et vous allez voir, hein, tout est là, c'est-à-dire qu'il y a le travail à domicile, elles fabriquent des choses à domicile, en l'occurrence ce sont des robes de poupée, et dans le même temps, elles aident leur mari, mais alors là, elles ne sont pas payées. C'est joli ce que vous faites là, Madame Bouchadel. Qu'est-ce que c'est ? Des robes de poupée ? Ce sont des robes de poupée, oui. Ce sont des vêtements de poupée que je fais à domicile, quoi. Est-ce que les femmes ont l'habitude de travailler avec leur mari au champ, à travailler dans les villes ? Oh, dans les vignes ? Dans les vignes, non. Ici, par ici, non. C'est la machine qui a remplacé la femme maintenant. Alors, elles ne travaillent plus dans les vignes. Elles ont le temps aussi de travailler chez soi. Et vous, qu'est-ce que vous faites en dehors de ces poupées ? Ben, je m'occupe de mes enfants, de mon ménage. Et c'est tout. Vous êtes agent d'assurance aussi? Oui, je suis secrétaire de la cave coopérative. Il y a un détail en ce qui concerne les assurances, c'est que c'est votre mari qui est inscrit. C'est exact. C'est mon mari qui est inscrit, c'est moi qui fais le travail, et c'est lui qui remercie. Voilà, c'est lui le responsable, mais c'est vous qui faites tout le travail. Voilà, c'est ça. Et la raison, c'est qu'à cette époque-là, quand vous vous engagez, on ne prenait que des hommes. On ne prenait que des hommes, oui. Les femmes étaient en dehors. Maintenant, ils prennent aussi des femmes. Quelques-unes à présent, oui. Quelques-unes, oui, ils en prennent. Voilà, en 1974, des couturières à domicile qui évoquent, et nous l'avons entendu avec cette dame, wow, « je ne fais rien, je m'occupe de mon ménage, c'est tout ». Et quand le journaliste lui dit « ah oui, enfin, vous travaillez pour la compagnie d'assurance et c'est vous qui remplissez les papiers », »,« ah bah oui, c'est vrai, c'est moi qui fais tout ». C'est un phénomène qui est intéressant parce que si la dame hésite à dire « oui, je fais ce travail-là », c'est qu'aussi ce modèle est intégré, il est tellement fort, puissant, imposé, que les femmes elles-mêmes ont été obligées d'intégrer ce modèle parce qu'il est très difficile de s'en échapper. Manuela Martini. Oui, en fait, c'est intéressant cet extrait des années 70 parce qu'on est dans une phase de transition. Mais c'est tout à fait vrai ce que vous remarquez sur le fait qu'il y a une intériorisation du modèle. Et parce que, en fait, lorsqu'on interroge les femmes et on pose de bonnes questions, en effet, tout ce travail, donc, complémentaire, qu'elle considère complémentaire et qui justement même à leurs yeux ne mérite pas d'être mentionné spontanément sans qu'on soit interrogé de manière justement pointue et spécifique. Donc tout ce travail là fait partie en fait d'une conception qui relève aussi peut-être aussi d'une appartenance à un milieu social qui ne valorise pas en fait ce type d'activité. Là on parle des épouses des vignerons, si j'ai bien compris. Bien donc ça. Là vous avez en fait un milieu où la force physique, évidemment l'homme qui l'exerce est reconnu socialement. Tout le travail en fait des paperasses, etc., est moins valorisé. Et dans le fait, on remarque lorsqu'on fait des entretiens à partir des années 80-70 aux épouses qui collaborent, donc aux activités de leur mari, que plus on est éduqué et plus on donne de l'importance, en fait, on considère, on donne une valeur aussi sociale à ce type d'activité, parce que ces femmes sont les femmes d'agriculteurs, sont les femmes d'artisans, mais sont aussi souvent les femmes des professions libérales, donc les femmes des médecins, les femmes d'avocats, qui ont ces tâches de rapport avec leur clientèle, de gestion de la comptabilité, hein, et qui, elles, sont plus conscientes, parce qu'en général, elles sont plus éduquées, de l'importance du travail qu'elles effectuent. Elles restent non rémunérées, en général. Donc, même si on commence à partir des années 70 à se poser des questions sur la nécessité de leur donner un statut juridique. Et d'ailleurs, il y a une loi en 1982 qui, donc, pour la première fois, introduit cette catégorie donc du conjoint collaborateur qui peut ne pas être rémunéré, mais qui peut aussi être déclaré, ça c'est important, donc, et donc bénéficier de prestations sociales qui sont liées à la déclaration. Sauf que cette loi, en fait, de 1982, est une loi qui n'impose pas une obligation, donc reste optionnelle cette possibilité de déclarer les conjoints collaborateurs, et comme ce sont les femmes en général qui s'occupent de la gestion de ces entreprises et de ces activités. Évidemment, on est très conscient en termes de trésorerie, du coût, hein, du versement de ces prestations sociales. Donc, elles-mêmes, elles ne se déclarent pas. Et donc, là, il faut attendre encore une vingtaine d'années. 20 ans, en 2005, on a enfin donc institué cette obligation de déclaration, en fait, des conjoints, qui sont souvent des conjointes, donc plusieurs centaines de milliers en France dans les années 70-80 encore, donc ont ces statuts-là de conjoints collaborateurs, donc ils ne sont pas rémunérés et non déclarée non plus. Donc enfin, en 2005, on arrive à, aussi à la formalisation de l'obligation, ce qui change radicalement. D'ailleurs, on le voit en fait là actuellement, l'effet de cette disposition, parce que du coup, les femmes sont déclarées et pour ne pas peser sur le budget de l'entreprise familiale, sont parfois employées à l'extérieur à mi-temps, mais au moins elles ont des garanties, donc qui notamment après la fin de leur activité professionnelle, donc se traduisent dans des retraites qui sont un peu plus confortables que celles auxquelles elles auraient eu droit sans être déclarées. Manuela Martini, vous avez tout à fait raison de souligner cette question des retraites notamment. C'est un schéma type que nous connaissons tous, sans doute, autour de nous les uns les autres. Une femme qui a travaillé aux côtés de son mari toute sa vie, artisan, agriculteur, peu importe, et qui au moment de la retraite, si le mari disparaît, se retrouve avec rien, alors que c'est une existence entière de travail. Vous nous avez dit qu'au 19e siècle, les syndicats... masculin, évidemment, avait une conception qui privilégiait la femme à domicile. Très bien. Et vous nous dites que fin 20e siècle, début 21e siècle, il y a tout un travail qui est fait pour remettre au moins ce travail à domicile, non pas à l'honneur, mais en tout cas le prendre en compte. Quel est le mouvement qui a conduit à cela? Est-ce que c'est un mouvement qui vient des syndicats ou est-ce que c'est une lutte par les femmes, par les mouvements de contestation des années 70 et 80, et encore aujourd'hui, parce qu'il y a encore de quoi contester, et que les syndicats ont suivi par la suite. Comment s'est construite cette prise en compte du travail féminin? Elle s'est construite grâce au mouvement féministe, principalement. Ça ne veut pas dire que, par exemple, pour tout ce qui est notamment les mouvements qui accompagnaient la mise en place de cette législation donc sur la reconnaissance du statut de conjoint collaborateur dont j'ai parlé, ça ne veut pas dire qu'il y a eu que le mouvement féministe qui a eu un rôle. Parce qu'en fait, il y a eu une prise de conscience au sein des syndicats professionnels. Bon, le syndicat de la petite entreprise du bâtiment, la CAPEB, a créé une commission féminine qui peut être féminine, justement. Et il y avait des ce point de vue-là, en fait, c'est intéressant. Vraiment un discours qui était anti-féministe, quelque part, de la part des femmes qui étaient engagées dans ces moments. Hein. C'est assez intéressant parce que pour avoir leur place au sein des syndicats professionnels, des petits entrepreneurs, donc il fallait qu'elles revendiquent, en fait, justement, de nouveau, une spécificité qui est vraiment celle de la complémentarité par rapport au travail de leur mari. Hein. Donc, il y avait, et c'était, de ce point de vue-là, un discours qui était évidemment inspiré par sans doute des impulsions qui étaient venues du mouvement féministe, mais qui s'est revendiqué des en fait modèles qui étaient plutôt anciens et qui étaient en contradiction avec les modèles que les féministes prenaient à la même époque, féministes qui étaient à leur sein évidemment aussi divisées parce qu'il y en avait une partie qui était commençait à devenir de plus en plus intéressée à cette dimension du salaire de la femme au foyer, du coup, qui avait aussi des priorités en termes de revendications qui étaient liées à des modes de concevoir la société qui étaient vraiment antithétiques avec ceux de la société industrielle qu'on a décrit et dans laquelle la séparation des sphères était encore en plein 20e siècle et même dans les années 70 était opératoire et encore efficace. Et donc il y a là des mondes qui s'opposent tout en ayant des objectifs au fond qui sont qui vont vers une autonomisation en fait de et la reconnaissance du travail des femmes, que ce soit au foyer, que ce soit sous la forme des collaborations non rémunérées aux activités masculines. Donc il y a une transformation de la société qui s'est fait et qui va de pair aussi avec des moments de contestation qui amènent, mais c'est le processus, c'est très long, vous l'avez bien compris. Donc on commence dans les années 60-70, ça s'est posé les questions, on aboutit seulement à des législations dans les années 70 qui rend autonomes complètement les femmes, qui sont encore dépendant du mari pour les choix du domicile jusqu'en 1965, il faut bien se rappeler du fait que le Code civil en France, donc 1804, institue donc l'autorité maritale, qui est un principe qui subordonne la femme, évidemment, au chef de la famille, qui est un homme. Et jusqu'en 1938, la femme, à cause de cette institution, donc de l'autorisation maritale, est une mineure d'un point de vue juridique. Donc, en 1938, elle n'est plus mineure juridiquement. Donc, l'obéissance au mari disparaît du code, mais jusqu'en 1965, c'est encore l'homme qui est chef de la famille et qui, par exemple, peut ouvrir un compte et gère les biens de la famille. Et donc, après 65, les choses effectivement changent. Et dans les deux ou trois décennies suivantes, il y a toute une série de lois qui rendent, d'un point de vue formel aussi, les femmes égales aux hommes. Voilà, un long combat, hein, en plus avec des tensions, avec cette figure de la femme au foyer qui est contestée par une partie des féministes, évidemment, comme modèle repoussoir. Il y a aussi ce mouvement-là, un vrai mépris pour la femme au foyer, celle qui accepte en fait une forme d'asservissement. Il y a, au sein du mouvement féministe, en fait, des positions qui sont, comme souvent c'est le cas, divergentes. Donc, il y a une partie du mouvement féministe, le féminisme matérialiste, notamment en Italie, en France, vous avez Delphi, Christine Delphi en France, vous avez en Italie De La Casa, aux États-Unis, Selma James, qui, elles, se battent pour les salaires de la femme au foyer. Donc, en fait, l'idée, c'est que le travail qui est exclu donc de la sphère du travail selon l'économie politique qui s'impose à la fin du XVIIIe siècle doit enfin être réinclus, et parce que il mérite donc une reconnaissance en termes aussi monétaires. Donc elles se battent pour un salaire de la femme au foyer qui serait en manière pour donner de la valeur aussi. Donner une valeur monétaire au salaire de la femme en foyer signifie pour ces femmes aussi donner une valeur des marchés, et donc qui est valorisée au sein de la société. Ce n'est pas le cas pour toutes les féministes, mais là on est dans une conception qui révolutionne complètement la conception du travail. Et une conception du travail qui a évolué, vous nous le rappelez, Manuela Martini, et qui ne cesse d'évoluer, notamment les recherches sur l'histoire du travail, mais l'histoire du genre au travail, encore très vive, et il y a beaucoup de choses à faire, à défricher. Je rappelle le titre de votre livre, Un bâtiment en famille, migration et petite entreprise en banlieue parisienne au XXe siècle. Et puis, pour ce regard sur le travail, cet ouvrage collectif dont vous êtes une des directrices, What is Work? Et oui, le genre au cœur du travail. Merci vivement, Manuela Martini. Il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Alors ce matin dans le journal de l'histoire, retour sur une notion. Oh ben dis donc, oui, c'est d'actualité ça, le couvre-feu. Après les nombreuses allusions à une ambiance de guerre pendant le confinement, difficile de ne pas verser à nouveau dans ce travers historique depuis que le mot couvre-feu a été lâché dans la sphère publique comme solution pour enrayer la flambée actuelle de la deuxième vague d'épidémie de Covid-19 dans les grandes villes. Un couvre-feu qui va s'appliquer à la région Île-de-France, où le virus circule très activement, et à plusieurs métropoles, à 8 métropoles en plus de la région Île-de-France, je les cite pour que ce soit clair pour tout le monde, les métropoles, je dis bien, de Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne et Toulouse. C'est très clair pour tout le monde, l'interdiction de circuler pendant la durée d'une plage horaire donnée, est-ce un merveilleux moyen de s'assurer que la vie sociale se résume à la vie au boulot ? Pas seulement. Au cours de l'histoire, les usages du couvre-feu en France ont surtout porté sur la répression de groupes d'opposants. Et c'est là que l'imaginaire soutient l'indignation, les protestations d'ores et déjà exprimées. Pourquoi cette idée nous est-elle si désagréable ? L'intention est ici tout à fait louable, permettre de freiner la propagation d'un virus qui tue. Mais notre imaginaire historique nous porte vers d'autres références, nettement moins altruistes, et la restriction de nos libertés en des temps plus menaçants.